Si vous êtes britannique, médecin, écrivain, curieux de tout, et surtout de choses qui concernent l'au-delà, vous aurez de quoi occuper toute votre vie. Vous aurez même de quoi occuper toute votre vie après la mort. Ce soir-là, chez le fameux écrivain écossais Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes, un petit groupe d'amis est rassemblé, attentif à une nouvelle expérience de leur célèbre ami. Celui-ci explique. Voici le Ouija. Comme vous pouvez le constater, il est constitué par deux éléments. Tout d'abord, cette petite planchette. Vous pouvez voir que les lettres de l'alphabet y sont inscrites sur deux arcs de cercle, l'un au-dessus de l'autre. Vous pouvez voir que les chiffres de 0 à 9 y figurent aussi. Mais enfin, trois mots, oui, non et au revoir. Maintenant, le second élément du Ouija est ce petit index mobile muni d'une petite roulette. Et comment cela fonctionne-t-il ? Les participants doivent tout d'abord se mettre dans un état de réceptivité maximale, être bien détendus, prêts à recevoir les impulsions qui leur seront données par les esprits. Ensuite, le ou les participants posent légèrement un doigt, l'index de préférence, de manière à frôler la plaquette mobile. Et il ne reste plus qu'à attendre. Quand l'entité présente sera prête à se manifester, elle fera glisser l'index de bois vers une lettre, un mot, un chiffre. Il suffira de noter ces lettres à la suite les unes des autres pour obtenir le message. Tout le monde n'est pas convaincu, mais Conan Doyle, Sir Conan Doyle, a déjà fait la preuve de son intuition et de son génie dans d'autres domaines. Pourquoi pas dans celui-ci ? Effectivement, le silence étant fait, les lumières étant discrètement tamisées, le maître de maison pose délicatement son index sur l'index du Ouija. Et le petit mobile à roulette, après une hésitation, se met à vibrer. Il cherche, semble-t-il, la lettre qu'il va désigner, comme un chien qui hume l'air, et soudain, il fait un petit saut en avant, droit vers la lettre J. Après la séance de Ouija, presque tous les participants sont assez émus. Quelqu'un dit « Je n'aimerais pas participer à ce genre de séance trop souvent, je claque des dents. » Pourtant, j'ai vu des choses étranges quand je séjournais aux Indes. Sir Arthur Conan Doyle prononce une phrase définitive. Le Ouija est un téléphone magique en ligne directe avec l'au-delà. Un silence plein de frissons accueille ces mots. Sir Arthur explique un verre de whisky à la main. J'ai commencé à m'intéresser aux choses d'après la mort quand un livre m'est tombé entre les mains. Il s'agit d'un ouvrage intitulé « Les réminiscences du juge Edmunds ». L'auteur n'était pas n'importe qui, puisqu'il occupait des fonctions au Conseil d'État des États-Unis. Ce monsieur, étant devenu veuf, a eu la consolation de rester en contact avec sa défunte épouse, et ce pendant des années. Dans son ouvrage, il donne toute une série de détails très impressionnants sur les contacts qu'il a eus avec la chère disparue. Mais vous-même, Sir Arthur, avez-vous eu des preuves de cette possibilité ? Mais absolument. J'ai tenté des expériences, et deux personnes très chères ont répondu à mes appels. Tout d'abord ma chère maman, et ensuite un de mes neveux, pour lequel j'avais une affection très particulière. Ils se sont manifestés plusieurs fois, et leur message était si précis qu'il n'y a aucun doute. Ce sont bien eux qui m'ont contacté après leur mort. D'ailleurs, je les ai vus, de mes yeux vus, bien après leur mort. Mais alors, vous en concluez qu'après la mort, il y a autre chose que le trou béant du néant absolu, mais j'en suis convaincu. Pourtant, Bernard Shaw... ne me parlez pas de cet individu, hein. Bernard Shaw est un Irlandais qui ne manque pas d'esprit, bien qu'il déteste les femmes du plus profond de lui-même. Mais cet être est sans scrupules. Il s'est vanté d'avoir fraudé dans une séance spirituelle. Et alors, qu'est-ce que ça prouve ? Ce n'est pas parce qu'un homme célèbre triche qu'il faut jeter le discrédit sur tout ce qui concerne le spiritisme. Dans les années qui suivent, Sir Arthur Conan Doyle va consacrer la plupart de son temps et une grande partie de sa fortune à poursuivre ses recherches sur la vie après la mort. Il est persuadé qu'il existe quelque chose dans l'au-delà. Il affirme avec force « Je mourrai un jour, comme nous tous. Et pour bien vous prouver la force de mes convictions, je peux vous promettre d'ores et déjà que vous me reverrez après ma mort, et même souvent. » Ceux qui entendent cette déclaration sont partagés dans leurs sentiments, entre la crainte et l'espoir. Sir Arthur Conan Doyle meurt en 1930, à l'âge de 71 ans, ce qui est relativement jeune. Il tient ses promesses, à plusieurs reprises. Il faut rappeler que Sir Arthur a débuté comme médecin. Il occupait alors un cabinet dans un immeuble de Londres, dans le quartier de Harley Street, quartier où beaucoup de médecins sont installés. Après sa mort, le cabinet de Sir Arthur est repris par un de ses confrères plus jeunes. Il faut bien dire que les clients de Sir Arthur se faisaient de plus en plus rares au fil des années. C'était pour lui l'occasion de se consacrer à l'écriture des aventures de Sherlock Holmes, sans oublier l'étude du spiritisme. L'appartement occupé par Sir Arthur était au troisième étage de l'immeuble, mais un ascenseur desservait les étages supérieurs. Et Sir Arthur explosait à chaque passage de l'engin. Mais enfin, ils ne peuvent donc pas monter à pied comme moi ? Est-ce qu'on a besoin de ces mécaniques infernales et bruyantes qui secouent toute la maison ? Pas de doute, Sir Arthur Conan Doyle détestait vraiment les ascenseurs. Après sa mort, Sir Arthur est sans doute revenu sur les lieux où il a vécu heureux, tout prêt à penser qu'il hante encore l'immeuble de Harley Street. Qu'est-ce qui peut faire croire ça ? Tout simplement le fait que l'ascenseur a pris la fâcheuse habitude de tomber en panne à chaque fois qu'il passe le palier du troisième étage. Dès que cela se produit, un des médecins qui occupe l'immeuble téléphone au technicien de la compagnie qui accourt le plus rapidement possible. « Encore en panne ? Mais c'est incompréhensible. Je suis passé hier. D'ailleurs, tout était en ordre. Je n'ai pas eu à intervenir. Votre ascenseur s'est remis spontanément en marche. Je suis certain que ça va être encore la même chose aujourd'hui. » « Oui, peut-être, mais c'est particulièrement gênant pour nos confrères du quatrième et du cinquième. Les clients se font de plus en plus réticents. D'abord, allez donc demander à des gens malades de monter 5 étages à pied pour aller chez leur médecin. Et puis, petit à petit, la rumeur a fini par se répandre dans le quartier et c'est aussi la faute du vieux Benjamin. » Le vieux Benjamin est le gardien de l'immeuble. Enfin, il est resté pendant les quelques années qui suivent la mort de Sir Arthur. Il a toujours eu beaucoup d'estime pour l'écrivain spirite. Et il a sa petite opinion sur les pannes de l'ascenseur. Si l'ascenseur s'arrête régulièrement au niveau du troisième, c'est Sir Arthur qui appuie sur le bouton ou qui ouvre la porte pour bloquer l'appareil. Et en disant ces mots, le vieux Benjamin ôte sa casquette à galons dorés pour saluer respectueusement l'âme de Sir Arthur qui doit être dans les parages. Quelqu'un entre à ce moment-là. « Excusez-moi, c'est bien dans cet immeuble que vécut Sir Arthur Conan Doyle. Mais oui, mon bon monsieur. D'ailleurs, si vous voulez profiter de l'occasion, il est quelque part dans l'immeuble, juste en ce moment. Sans doute sur le palier du troisième. Mais il vous faudra monter à pied, il vient justement d'arrêter l'ascenseur. Il dit que ça lui tape sur les nerfs. » Le visiteur curieux hésite et ressort précipitamment de l'immeuble sans demander son reste. Depuis quelques années, l'ascenseur d'Harley Street tombe moins en panne. Sir Arthur a toujours été à la pointe du progrès. Il s'est toujours intéressé aux nouveautés. Quand il est mort, le cinéma était encore dans ses débuts. Un jour, à Hollywood, un projet voit le jour. Et si on tournait un film sur Sherlock Holmes ? Oh, c'est pas une idée bien nouvelle, hein ? On a déjà tiré un nombre respectable de sujets en prenant pour base les œuvres de Conan Doyle. Oui, mais là, on pourrait broder. Au lieu de s'inspirer d'une aventure de Conan Doyle, on pourrait explorer le personnage de Sherlock Holmes sous un angle nouveau. On pourrait le voir dans l'intimité, ses rapports un peu sado-masochistes avec le docteur Watson, la manière dont il se drogue à l'éther, sa vie sexuelle. Sa vie sexuelle, elle est nulle. Et sur ce sujet, il y aurait sans doute beaucoup à dire. Et c'est ainsi qu'un nouveau film voit le jour. Il mêle une intrigue d'espionnage et une aventure sentimentale. Le monstre du Loch Ness apparaît dans toute sa splendeur. Et les scènes de franche comédie sont particulièrement réussies. Que peut bien en penser Sir Arthur de là-haut ? On ne le saura vraiment jamais. Mais en tout cas, on peut être certain qu'il a suivi la production du film de près, de très près même. C'est ainsi qu'après le tournage avec Christopher Lee et Geneviève Page, vient le montage. C'est souvent là que le film prend tout son style, son rythme. Dans la cabine où le monteur en chef examine toutes les séquences à la loupe, on entend une exclamation de surprise. « Dites donc, Monsieur Wilder, venez donc un peu voir. » Et quelque chose d'étrange. Billy Wilder, le réalisateur, se penche sur l'œilleton qui permet de voir la pellicule image par image. Tiens, oui, c'est bizarre. On dirait qu'il y avait quelqu'un dans le champ. Il est impossible que pendant le tournage, un inconnu se trouve dans le champ. Enfin, si cela se produit, le cadreur, la script, le chef éclairagiste, un assistant, ou l'une des 100 personnes qui sont constamment aux aguets va certainement s'apercevoir de sa présence. Alors si c'est le cas, quelqu'un va hurler « couper », il va y avoir une explication plus ou moins orageuse entre le réalisateur et celui qui aurait dû empêcher l'intrus de se fourrer dans le champ. Mais enfin, comment ce gros bonhomme peut-il être là ? D'autant plus qu'on ne voit que sa tête. Le chef monteur regarde à nouveau la tête joviale, moustachue, qui apparaît sur une séquence de quelques images. Mais je le reconnais, ce visage. Mais c'est celui de Sir Arthur Conan Doyle. Mais j'en suis certain. Et dire qu'il est mort depuis 38 ans. Billy Wilder, qui croit peut-être aux fantômes, est heureux. Sir Arthur Conan Doyle vient certainement d'approuver le film en apparaissant sur la pellicule.